Yannick Jean, l'instructeur de chef des Saguenay de Chicoutimi, on n'est pas capable de le rejoindre. Quoi qu'il en soit, on va parler avec un autre instructeur natif de la région, cette fois, qui va être dans une grosse série contre ses grands rivaux, les Foreurs de Val-d'Or. On rejoint Gilles Bouchard, l'instructeur chef des Huskies de Rouyn-Noranda, natif de Normandin. Salut Gilles! Gilles, avant de parler de la série qui est un petit peu comparable au Canadien Nordique, je dirais, au Canadien Boston à peu près, on va parler de ta saison. Dans l'ensemble, est-ce qu'on est content? Oui, dans l'ensemble, on est satisfait de notre saison. Écoute, on aimerait ça avoir un petit peu plus de constance, là, mais écoute, on est quand même une des cinq équipes les plus jeunes de la Ligue. Fait que, en bout de ligne, je pense qu'on a démontré des bonnes choses. On a quand même joué au-dessus de 500 cette année. Fait que, on a réussi à aller chercher 71 points, terminé 11e. Il y a beaucoup de monde au début de l'année qui nous plaçait pas dans les séries. Peut-être qu'on allait finir 17e. Fait que je pense que de ce côté-là, on a tenu notre bout puis on a démontré des bonnes choses. Fait que, écoute, on avait un bon groupe de joueurs. On a un bon groupe de joueurs. Puis notre leadership a aidé dans l'équipe. On a vraiment des bons vétérans qui ont bien aidé nos jeunes. Fait que je pense que ça a été un élément clé dans le succès de notre équipe. Okay, parle-moi de Samuel Harvey qui vient d'Alma, qui est natif également du coin et de la région. Quelle sorte de saison que tu as connue, Samuel? Sam a eu, une bonne saison. Et avant les fêtes, là, on avait une rotation, trois gardiens de vue. Là, c'était pas une situation qui était la plus évidente, là. Sauf qu'à partir de Noël, on a échangé Bélanger. Fait qu'on. On a décidé d'y aller avec nos deux jeunes gardiens de but en qui on a confiance. Puis, Sam, il a bien fait ça avant les fêtes. Ça a été plus difficile, je te dirais, après les fêtes, janvier, février. Puis là, dernièrement, là, ça a bien été. Fait qu'écoute, c'est un jeune de 16 ans qui, à travers ça, au mois de novembre, il a quitté Rouen pour aller partir une quinzaine de jours pour les Under 17 à Sarnia, en Ontario. Fait que, tu sais, il a vécu une belle expérience là-bas. Fait que, mais dans l'ensemble, c'est un gardien de but qui a beaucoup de potentiel. C'est un compétiteur inné. J'ai rarement vu un compétiteur de même. Puis, c'est un gars qui est mature pour son âge. Fait que c'est une bonne sélection pour les Huskies, ce qu'on a fait en juin. Il figure vraiment avantageusement dans l'équipe, là, pour l'avenir de la formation, là. Oui, c'est un joueur clé dans l'avenir de l'équipe. Là, vous affrontez une grosse formation qui est en feu, les Foreurs de Val-d'Or qui ont vraiment bien fini l'année. Comment qu'on voit ça du côté des Huskies? C'est une rivalité, là. C'est Canadien-Nordique, Canadien-Bruins, là. J'exagère pas en disant ça, là. Non, t'exagères pas partout. C'est, c'est la guerre de la 117. On est à une heure de distance, puis je pense que ça va être une série incroyable pour les joueurs, les deux organisations, pour les partisans. Hein, c'est excitant. Puis pour venir à ta question, c'est Val-d'Or une bonne équipe, là, c'est sûr et certain. Sauf que nous autres aussi, on a une bonne équipe. Cette année, on a battu toutes les équipes. Fait qu'on sait qu'on peut battre tout le monde. Maintenant, ça va être la meilleure équipe dans le moment présent qui va gagner ça. C'est pas, tu sais, Val-d'Or, on a beau dire ce qu'on veut, ils ont fini 7 points devant nous autres l'autre semaine. Ils n'ont pas fini 25 points devant nous autres, là. Fait que, tu sais, les détails, c'est un paquet de petits facteurs qui vont faire la différence. C'est bon pour le hockey junior en Abitibi. On dit tout le temps que l'Abitibi, c'est pas facile de faire du hockey junior. Quand, pas juste au niveau financier, parce qu'au niveau financier, aller jouer une série à Moncton puis aller jouer une série à Val-d'Or, au niveau financier, c'est pas pareil. Là. Sauf que, mais pour l'intérêt, j'imagine qu'en Val-d'Or, là, autant Val-d'Or qu'à Rouyn-Noranda, on parle de cette série-là. Ouais. Juste ce midi, je t'en ai dit dans la ville, là, puis je l'entendais parler. Okay. Ça va être la frénésie assez rapidement, là, hein, ça va starter cette semaine, puis, oui, écoute, c'est une situation qui c'est le fun d'une rivalité comme ça. Puis en plus, c'est certain que les coups, ça se comporte pas à quand tu vas voir Moncton pour les deux organisations. Puis on parle des matchs où est-ce que ça va être, ça le tombe tout le temps. Fait que, ça prend une dimension complètement différente. Là. Fait que, je pense que tout le monde en sort gagnant là-dedans. Maintenant, si on parlait de le fait que vous êtes une équipe la plus jeune, une des plus jeunes de la Ligue, Val d'Or, c'est sûr qu'ils se sont rendus, et c'était les détenteurs de la Coupe du Président l'an dernier. Le fait que c'est une équipe aussi, est-ce que les Huskies, est-ce qu'on va jouer avec aucune pression? Le fait d'être les négligés? Écoute, on est les négligés depuis le début de l'année. Puis, écoute, on a du plaisir là-dedans. Écoute, les gars sont orgueilleux, puis on veut prouver qu'on a notre place tout le temps. Fait que ça va être la même affaire des séries. Regarde, si tout le monde dit que Val d'Or va gagner, tant mieux pour eux autres. Puis nous autres, on sait qu'on est capable de gagner la série, puis qu'on est capable d'être en mesure d'être la meilleure équipe dans le moment présent pour aller chercher cette série. Ben, Gilles Bouchard, un gros merci. On va se reparler peut-être d'ici la fin des séries éliminatoires. L'instructeur-chef natif de Normandie, Gilles Bouchard.